de l'émission Autour de vous avec Laura sur Radio Guénozo. Bonjour tout le monde, c'est Laura, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous. Me revoilà après 2 semaines d'absence, je suis ravie de vous retrouver pour une toute nouvelle émission d'Autour de vous. Dans les studios de RGM, je reçois Corinne. Corinne, bonjour, comment allez-vous ? Bonjour Laura, ça va très bien, merci. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots ? Oui, donc je suis Corinne Mougel, maman de Mathilde, une enfant atypique, et donc je viens vous parler de l'association Mathilde et ses amis, autisme et compagnie. Depuis quand elle existe, l'association ? Elle a été créée le 4 octobre 2018 à Remiremont, sur un coin de table, entre deux personnes, cofondatrice, Stéphanélie, mon voisin, et moi-même. Alors dans quel but elle a été créée, l'association ? Alors, on a décidé de créer une association, donc c'était en octobre, suite à la déscolarisation de ma fille Mathilde, qui s'est retrouvée à la maison à l'âge de 8 ans, en avril 2018. Et puis, on s'est retrouvé sans aucune solution institutionnelle, aucune place nulle part pour prendre Mathilde en charge dans l'immédiat, liste d'attente très conséquente. Et en plus, elle a une double particularité, elle est autiste sévère atypique, mais elle est aussi sourde profonde. D'accord. Donc le double handicap a compliqué énormément les prises en charge de Mathilde. Alors quelles sont les différentes activités que propose l'association ? Alors au départ, l'association a été créée pour Mathilde. On a eu 2 objets dès le départ. Donc le but, c'était d'accompagner le plus possible Mathilde vers l'extérieur, dans la socialisation, mais aussi se supplier, nous, à la maison, à une prise en charge défaillante, on va dire. Et puis, on avait un 2e objet qui était d'accueillir, d'accompagner, de rencontrer d'autres familles concernées par l'autisme, principalement. Et là, maintenant, c'est le volet familial, nombre de familles qui a pris le dessus. Et nous proposons donc des activités pour tous nos membres. Nous avons 20 de familles membres, plus de 20 personnes, je dirais 24-25 personnes concernées par le handicap invisible aussi. On a ouvert plus largement que l'autisme. On a aussi des enfants TDAH. Des enfants 10. Et puis, comme Mathilde est sourde, on ouvre aussi sur la surdité. Donc, les activités que nous proposons... Alors, la Covid a mis un grand coup de frein à toutes nos activités qu'on avait initialement engagées dans un gymnase le samedi après-midi, par exemple, avec des activités collectives, en petits groupes, avec les parents, les enfants, les frères et sœurs. Et donc là, on pouvait faire du sport adapté handicap avec Jeunesse Handi Ballon Chavelotaise. C'est une association de Chavelot qui se déplace et qui vient animer des activités. On a eu aussi tout ce qui était médiation animale avec 2 associations successives. On a eu aussi des sorties avec des chiens, Training Club Canin de Saulsure. Voilà, on propose ce genre d'activités collectives et puis aussi des temps en petits groupes plus restreints. Et aujourd'hui, le siège social, qui est ma maison, accueille 2-3 adolescents, une demi-journée par semaine, des adolescents sans réelle prise en charge non plus. Et nous faisons des activités, atelier cuisine, promenade, atelier bricolage, atelier manipulation, choses comme ça. Ça a l'air très compliqué d'être prise en charge, j'ai l'impression, avec l'État. Disons que compliqué... C'est difficile à dire si c'est compliqué ou pas, mais dans les TSA, c'est un trouble du spectre de l'autisme. On parle vraiment de spectre. Et effectivement, spectre, c'est très, très large. Et chaque enfant, chaque adulte, jeunes adultes, adultes avec TSA, a ses propres particularités. Si en plus, c'est combiné avec un autre handicap, style surdité pour Mathilde, épilepsie pour d'autres, TDAH encore pour d'autres, quand c'est multiple... Oui, c'est difficile de trouver un accompagnement adapté à chaque enfant et à chaque particularité. Est-ce que le Covid-19 n'a pas isolé les personnes atteintes d'autisme ou les familles aussi ? Alors je dirais que dans certains cas, il n'y a pas eu plus d'isolement qu'avant ou qu'après la Covid. On a même une maman qui avait écrit, et ça m'avait effectivement touchée, bouleversée, lorsqu'elle a écrit un texte en disant « on ne se serre plus la main ». Les gens sont masqués, on ne s'embrasse plus, on ne se touche plus, on garde une distance les uns avec les autres. Et elle avait marqué « Bienvenue en autisme ». Parce qu'en fait, c'est à peu près la vie de nos enfants au quotidien. Voilà. Donc, pendant les confinements, je pense que les gens ont pu percevoir ce que nous, parents d'enfants avec autisme, pouvons ressentir quasiment au quotidien. Alors, comment est-ce qu'on peut rejoindre l'association ? Alors, l'association se trouve à Remiremont. On a une page Facebook, Mathilde et ses amis, autisme et compagnie. Nous avons aussi des cartes de visite avec un numéro de téléphone, le 06 73 62 61 74. Et nous avons une boîte mail, math-amis@orange.fr. Est-ce que vous travaillez avec d'autres associations qui ont la même activité que vous, par exemple ? Alors, on ne travaille pas forcément avec, mais on est en lien avec beaucoup d'autres associations. Nous sommes 6, par exemple, du bureau. Nous avons suivi une formation en Meurthe-et-Moselle avec Vivre avec l'autisme en Meurthe-et-Moselle. Donc, une formation de 30 heures pour avoir les bases nécessaires pour peut-être mieux comprendre ce qu'est le spectre de l'autisme. Donc, nous sommes en lien avec eux régulièrement. On peut leur poser des questions aussi. Et puis... On avait lancé une action qui s'appelle le défi kilométrique en 2019 et la deuxième édition en 2021. Et par les réseaux sociaux, nous avons été contactés par des tas d'autres associations et nous échangeons entre nous régulièrement. Alors j'imagine qu'il y a beaucoup de démarches administratives. Est-ce qu'il y a des personnes qui vous aident pour ça ? Alors en fait, on ne nous aide pas particulièrement, mais maintenant l'association aide et accompagne les familles dans leurs démarches qui sont effectivement... démesurées. Surtout les premières familles à l'annonce d'un diagnostic sont un peu perdues et se tournent en général vers une association. Donc on a de plus en plus de contacts. Et le dossier MDPH qui fait je ne sais plus combien de pages, 20 pages je crois, le certificat médical initial 8 pages, les gens sont perdus, ont peur et donc on les accompagne. On partage nos expériences en fait. D'accord. Alors nous allons faire une première pause musicale avant de parler de l'autisme et des handicaps invisibles. A tout de suite sur Radio Gémozo. C'est la baleine qui tourne, qui vire comme un joli petit navire. Prenez garde à votre doigt ou la baleine le mangera. Prenez garde à votre doigt ou la baleine le mangera. C'est la baleine qui tourne, qui vire comme un joli petit navire. Prenez garde à votre doigt ou la baleine le mangera. Prenez garde à votre doigt ou la baleine le mangera. C'est la baleine qui tourne, qui vire comme un joli petit navire. Prenez garde à votre doigt ou la baleine le mangera. Prenez garde à votre doigt ou la baleine le mangera. C'est la baleine qui tourne, qui vire comme un joli petit navire. Prenez garde à votre doigt ou la baleine le mangera. Prenez garde à votre doigt ou la baleine le mangera. Nous voici de retour avec Corinne pour parler de l'autisme et des handicaps invisibles. Alors nous avons parlé hors antenne d'autres activités que vous proposez avec votre association, c'est quoi ? Nous avons organisé avant la Covid et nous avons recommencé une fois ou deux. On voudrait de façon régulière organiser des temps de rencontre avec les enfants, donc ça c'est sûr, avec les fratries, parce que lorsqu'un enfant a un handicap dans une famille, il y a des conséquences aussi sur la fratrie, et puis des temps de rencontre famille complète. Donc on va reprendre nos cafés parents et on va essayer de traiter des sujets à la demande des parents. Donc on en parlera peut-être un peu plus loin dans les particularités des TSA, mais on a des enfants qui ont des troubles du sommeil, des enfants qui ont des troubles alimentaires, des particularités sensorielles. Et donc là, à la demande des parents, entre nous, entre parents, on voudrait échanger sur nos problématiques et voir ce qui fonctionne chez les uns, chez les autres. En fait, on est plus dans la paire aidance dans l'association. C'est une association de famille. Maintenant. Et donc, on échange On échange nos connaissances relatives de parents concernant les particularités des enfants avec TSA. On organise donc aussi des sorties. Là, maintenant, on a arrêté les gymnases et nous nous déplaçons. Nous allons, il y a deux créneaux sur Remiremont, d'autres à Chavelot, avec Jeunesse Handi Ballon Chavelotaise, donc pour du sport adapté. Nos enfants font aussi du fauteuil. Il y a des activités en fauteuil proposées par JHBC. Nous nous déplaçons aussi pour la médiation animale maintenant à la Licorne à Plumes à Saint-Amé. C'est une mini-ferme et nous y allons par petits groupes, 4-5 petits, 4-5 ados. Et donc, c'est l'association qui finance les sorties pour l'instant. On achète aussi du matériel spécifique dédié au handicap parce qu'on s'est rendu compte que chaque parent achetait de son côté sur des sites dédiés. Ça coûte une fortune. Et donc, on a décidé d'acheter, nous, au niveau de l'association, à la demande peut-être des parents en échange avec eux, du matériel que nous pouvons mutualiser. Ce qui va marcher pendant 15 jours ne marchera peut-être plus pendant 6 mois. Et donc, on le prête à quelqu'un d'autre. Le matériel revient, on repropose à une autre famille. On propose aussi dans les écoles ou d'autres associations qui auraient éventuellement un besoin spécifique de matériel. Nous avons acheté en 2020 un vélo spécifique, un tandem électrique, vraiment dédié. Il a été créé par un père d'enfants autistes en Italie. Et donc, nous avons le seul exemplaire du Grand Est. C'est un hug bike avec un guidon qui embrasse l'enfant qui est devant. Et donc, l'enfant n'a même pas l'envie, l'idée de descendre du vélo. Donc, voilà, on fait beaucoup de choses. Et on participe aussi à des journées de sensibilisation. On tient des stands, on anime des ateliers. Par exemple, le 2 avril, c'est la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme. Donc, nous sommes présents sur le terrain. On essaie de renouveler nos idées. Donc, ça, on pourra en parler peut-être un peu plus tard. Dans l'association, nous avons maintenant des enfants avec TDAH. Et nous faisons aussi la journée de sensibilisation mondiale au TDAH le 12 juin. Nous essayons d'inclure les écoles, porter du bleu, porter du orange. Nous participerons à notre façon le 6 octobre, il y a la journée des aidants, là, nationale. On en parlera plus loin, mais le 15 octobre, nous avons une grosse journée sur Remiremont. Nous avons participé au Run Access Épinal, donc sur tout ce qui était handicap. Nous avons tenu un stand. Nous participons aussi avec le collectif Petite Enfance à la fête de l'été qui se tient au château Zeller. Bon, ça ne s'appelle plus comme ça. Cette année, c'était à Léon Woerth. Nous sommes dans le réseau parentalité. Nous avons participé au forum des associations cette année à Remiremont. Alors, est-ce que la médiation animale, ça permet de calmer certains troubles comme le stress, par exemple ? Alors, tout dépend des enfants. Certains enfants vont vers l'animal, d'autres pas du tout, ne les regardent même pas. Mais le fait de les amener dans un lieu, si l'enfant supporte au moins d'aller dans ce lieu, même s'il n'agit pas avec l'animal, il prend des informations. Les enfants TSA sont très visuels et enregistrent énormément de choses. Donc voilà, ils voient peut-être quelqu'un toucher l'animal, ils sentent les odeurs aussi. Et donc même s'il n'y a pas d'interaction réelle avec l'animal, le fait d'être dans ce lieu peut déjà être apaisant. Alors qu'est-ce que le trouble du spectre autistique ? Alors là, c'est un trouble. Donc ce n'est ni une maladie, ni ce n'est pas une maladie, ce n'est pas un réel handicap. Par contre, c'est handicapant. Voilà, donc on est entre deux mondes, on est dans une sphère un peu particulière et les TSA font partie, troubles du spectre de l'autisme, font partie de la famille des TND, troubles neurodéveloppementaux, ce qu'on appelait aussi antérieurement les TED, troubles envahissants du développement. Donc dès qu'il y a le mot trouble, a priori, si le diagnostic est posé et réel, il n'y a pas de guérison possible puisque ce n'est pas une maladie. Il faut apprendre à vivre avec. La personne, elle, sait vivre avec, mais c'est aussi à l'entourage, à l'environnement, à la famille, à l'école, à l'IME, peu importe, au patron plus tard, d'accepter ces particularités-là et d'adapter au mieux. Alors, c'est quoi un trouble neurodéveloppemental ? Ah, bonne question. Alors, en fait, Alors, je ne suis pas médecin, je ne suis que maman d'une enfant autiste et présidente d'une association de famille. Donc, en fait, c'est un trouble au niveau du cerveau. Dès la naissance, on est avec, on vit avec et on meurt avec. Donc, c'est un problème de connexion ou autre. Je ne vais pas rentrer plus dans les détails, mais voilà, c'est un trouble qui est là et qui sera là toute la vie. Alors, est-ce qu'on peut dire que, en fait, la personne qui est atteinte d'autisme, le corps grandit, mais son cerveau, il s'arrête à un certain âge, comme par exemple je sais pas, un adulte qui a 10 ans d'âge mental, comme on dit. Alors là, c'est pareil, c'est difficile de répondre, mais là, je suis en train, dans ma tête, de scanner un peu les familles de l'association. Donc, nous avons des enfants bon, qui vont à l'école, normalement, qui sont au collège, qui vont au lycée. On a un très grand qui a eu son bac avec mention, qui est en BTS maintenant. Là, il y a d'autres problèmes qui sont plus dans la vie de tous les jours. Et par contre, c'est par rapport à l'autonomie, par exemple. C'est un sujet tellement vaste, c'est difficile de répondre comme ça, d'entrer à une question. Ce jeune homme, par exemple, il peut suivre des cours, il peut aller à l'école, mais s'il doit prendre le train tout seul, ça pose problème. Il y a des choses qui vont bien, qui vont très bien et qui sont même au-dessus de la normalité, et d'autres choses bah, qui ont du mal à s'installer et même qui ne s'installeront jamais. Donc, est-ce que c'est un retard mental? Je ne crois pas. C'est simplement les sphères du cerveau qui, pour moi, ne sont pas développées ou au même rythme ou correctement. Et le trouble, il est là, en fait. Mais c'est vrai que chez les non-verbaux, alors, il y a aussi la particularité, personne avec TSA verbal, donc qui parle, qui communique. Là aussi, la communication peut pêcher. Ce n'est pas parce qu'on parle qu'on est dans une réelle communication d'échange en vis-à-vis. Et puis, il y a les personnes avec TSA non-verbales. Et là, c'est là que c'est le plus compliqué. Et justement, par rapport, y a-t-il déficience intellectuelle ou pas, le fait d'être non-verbal, c'est difficile d'estimer, quoi. Mais certains ont quand même un retard, effectivement, dans certaines sphères, un retard de développement. Alors, en quelques chiffres, pour vous faire une idée, vous, auditeurs, alors l'autisme touche une personne sur 150, soit 400 personnes sur 600 000. 50 à 70% n'ont pas de retard mental. Alors, quel genre de soucis peut avoir un enfant autiste, Corinne? Ah, alors on va dire que tout dépend du degré du trouble. Donc, ça va de léger à profond. Donc, léger, modéré, sévère, profond. Mathilde, ma fille, est sévère. Donc, on me dit qu'elle ne sera jamais autonome. Qu'elle vivra plus tard dans une masse. Alors masse, je ne sais pas encore exactement ce que ça veut dire. Elle n'a que 12 ans, hein, donc je me projette, mais pas trop loin quand même. Et puis, une personne avec TSA léger va pouvoir avoir une scolarité normale, va pouvoir passer des examens. Il y en a qui montent très très haut. Certains sont haut potentiel aussi, donc peuvent aller très très haut dans les études, mais ne trouveront pas forcément de travail à la sortie parce que là, il va y avoir le problème de relations aux autres, dans une équipe, etc. Donc certains ont des problèmes, troubles alimentaires, troubles du sommeil, troubles de la relation, troubles sensoriels, trop de lumière, pas assez de lumière, trop de bruit, pas assez de bruit. On peut être hyper ou hypo, donc hyper, ça veut dire le moindre bruit, si c'est une hypercousie, donc auditive, le moindre bruit, le moindre frôlement va perturber la personne. À l'inverse, hypo, d'un point de vue auditif, on n'entend pas la personne quand on nous appelle. Voilà. Donc il y a des hyper et des hypo. Et pour chaque enfant, dans l'idéal, ce serait de connaître ses hyper et ses hypo. Trop de lumière, pas assez de lumière, enfin, etc. Mais c'est difficile parce qu'il peut être hyper à 10 heures et hypo à 16 heures. Ah oui. Voilà, la complexité, elle est là. Certains enfants ne supportent pas qu'on les touche. Si on veut les toucher, viens avec moi prendre la main. Certains enfants ne supportent pas d'être touchés. Donc là, il faut connaître cette particularité-là pour ne pas déclencher des crises d'angoisse qui seront soit intériorisées, soit extériorisées. Et là, c'est la crise, l'explosion. Donc l'intérêt de bien connaître l'enfant, c'est ça le plus difficile. Donc nous, mamans, nous connaissons bien nos enfants. Nous mettons en place beaucoup de choses pour essayer d'atténuer au maximum des crises d'angoisse, tout ce qui est anxiété. Mais voilà, nos enfants, on sert de béquilles et nos enfants, pour évoluer, il faudrait qu'on puisse diminuer progressivement les béquilles pour que le rendre de plus en plus autonome. Mais ce n'est pas évident en fonction du degré de départ. Alors, quels troubles sont associés à l'autisme? Donc, nous, dans l'association, par exemple, nous avons des enfants qui ont d'abord été diagnostiqués TDAH. Et puis, les traitements ne marchant pas, etc., il y a eu un second diagnostic de TSA. Donc, on peut être TSA, TDAH, TDAH, TSA. Ça représente à peu près 50% TSA, il y a 50% de TDAH. Enfin, voilà. Souvent, le diagnostic est double, TSA et épilepsie. Le cas de Mathilde, TSA et surdité, là, c'est deux handicaps qui ne sont pas associés à l'origine, mais ça crée une comorbidité. Voilà. Mathilde, pas de chance. Et là, deux handicaps enfermants. C'est une fille, et ces deux handicaps, normalement, touchent beaucoup plus les garçons. Donc, elle cumule la difficulté. Alors justement, à quel âge un enfant il peut être diagnostiqué ? Au jour d'aujourd'hui, on dit qu'un enfant peut avoir un diagnostic à 14 mois. Mmh. Et le plan autisme 2018-2022, le quatrième plan autisme, a mis un point d'honneur, un point d'orgue, à justement essayer de diagnostiquer le plus précocement possible. Et donc en fait, c'est aussi aux parents peut-être d'être vigilants, surtout s'ils ont eu d'autres enfants avant. Un bébé qui présenterait peut-être une suspicion de TSA ne regarde pas, ne tourne pas la tête, ne prend pas les objets ou les prend et détourne l'objet, n'en fait pas ce qu'il faudrait en faire. N'a pas de communication. Donc le plan autisme a axé sur justement le diagnostic précoce. Quel genre d'examens sont utilisés pour un diagnostic ? Alors, en fait, là je suis parent, moi je ne suis pas médecin, mais c'est aux médecins, maintenant les médecins sont informés sur cette recherche en diagnostic précoce. Et le médecin, sur prescription médicale, s'il a un doute, peut orienter vers une plateforme en conseil et orientation, PCO, au niveau des CAMS, donc c'est en place dans les Vosges. Il ne faut pas hésiter, si les parents se posent des questions, à en parler à leur généraliste, qui donc, lui, va pouvoir orienter vers cette plateforme. Alors, la plateforme sert aussi, sans réel diagnostic au départ, une pré-évaluation et peut accompagner tout de suite dans une prise en charge. Pendant un an, il y a une prise en charge financée pour tout ce qui pourrait être orthophonie, psychomotricienne, etc. Mais ensuite, ils sont orientés vraiment pour un diagnostic. En général, pour les petits, c'est au CAMS ou à l'hôpital de jour. C'est au CAMS et là, il y a un diagnostic vraiment détaillé avec une équipe pluridisciplinaire et qui rédige ce qu'on appelle un EPDPA, équipe pluridisciplinaire diagnostic. Donc, l'école peut alerter, la crèche peut alerter, les parents peuvent alerter, les voisins peuvent alerter. Moi, par exemple, pour Mathilde, la surdité n'a été diagnostiquée qu'à l'âge de 19 mois. C'est quelqu'un qui était venu garder ma fille à la maison le jour de la pré-rentrée parce que je suis enseignante et qui m'a dit en face, ta fille ne tourne pas la tête quand on l'appelle, etc. Bon, je le savais, mais là, que quelqu'un me le dise de l'extérieur qui ne la connaissait pas en plus, voilà. Il faut oser entendre, accepter et puis se dire oui, il y a un problème. Donc Mathilde a d'abord été diagnostiquée sourde. Dans les TSA, les premiers diagnostics, on cherche justement la surdité aussi, parce qu'un enfant qui ne tourne pas la tête, ça peut être une déficience auditive, mais voilà. Est-ce qu'un enfant atteint d'autisme peut être dans un milieu scolaire normal ou seulement dans un centre spécialisé ? Nous avons des enfants, dans l'association, nous avons des enfants scolarisés normalement, avec ou sans accompagnement du AESH, assistante d'élèves en situation de handicap. Certains vont avoir une scolarité quasi normale avec des aménagements et donc avec une AESH. Certains vont à l'école à temps partiel et à l'hôpital de jour ou au CMP sur le reste du temps. Certains ne vont qu'une heure et demie par jour à l'école. Là, je visualise les familles de l'association. Et donc, avec une prise en charge CESAD, service de soins à domicile, on a un peu tous les cas de figure. Et certains sont orientés en IME. Alors, en général, c'est à partir de l'âge de 6 ans, au moment des orientations, où ça se complique un peu. Il y a des paliers aussi dans la scolarité où on a des orientations. Ça peut être orientation aussi en ULIS, unité locale d'inclusion scolaire, dans une école. Donc, il reste dans son école ou pas, il va dans une autre, mais il y a une ULIS. C'est quelque chose d'aménagé dans l'école pour que l'enfant puisse avoir une scolarité qui se rapproche de la normalité, mais avec des pauses, on va dire, où il peut être pris en charge par une enseignante spécialisée. Donc dans l'association, nous avons tous les cas de figure et certains sont en IME, donc à temps plein ou pas, temps partiel, je ne sais pas. J'en sais pas plus, je ne peux pas trop vous renseigner. Je suis parent, je ne rentrerai pas dans le détail des structures spécialisées. Et malheureusement, nous avons 4 enfants dans l'association qui sont en instruction en famille, contrainte et forcée. Donc ça veut dire que nos enfants ne sont pris en charge nulle part, à défaut de place, parce que les listes d'attente sont conséquentes. Là, il faut quand même le savoir, un enfant qui est sorti du système scolaire à 6 ans, pour trouver une place ailleurs, c'est très compliqué. Moi, on m'avait suggéré d'emmener ma fille en Belgique, donc à 7 ans. Donc là, c'est un moment douloureux de ma vie, donc je ne vais pas m'étaler plus là-dessus, mais voilà, on en parle à la télé, de la Belgique, des structures par rapport à un système français défaillant, voilà. À l'âge adulte, comment ça se passe sur le marché du travail ? Alors, pour ceux qui peuvent travailler, certains peuvent aller en ESAD dans la continuité de l'IME, donc là, c'est... Voilà, les familles concernées sont passées par le cursus IME, donc c'est la suite logique, et il y a certains arrivent à trouver un emploi. Parce qu'il faudrait parler aussi quand même des problématiques des personnes non diagnostiquées. Donc là, je vais parler un tout petit peu d'Asperger. L'Asperger, ça se diagnostique seulement à partir de 6-7 ans, parce que c'est des enfants qui peuvent avoir un comportement à peu près typique. Mais ça se complique en grandissant avec des angoisses qui apparaissent, des anxiétés. Et donc, ces personnes-là pourront travailler. Mais souvent, vers la trentaine, moi j'en connais quelques-uns, il y a de grandes difficultés dans les relations aux autres, les collègues, etc. Et il y a beaucoup de personnes avec autisme qui dépriment, qui font des dépressions et qui ne peuvent plus travailler. Le pourcentage de personnes avec TSA qui travaillent est quand même petit, on va dire. Alors la vie n'est pas facile pour un enfant atteint d'autisme, mais elle ne doit pas l'être non plus pour sa famille. Alors c'est quoi le quotidien d'une maman ou d'un proche d'un enfant autiste ? Bon, alors en ce qui me concerne, par exemple, je vais partir de ma situation et je vais extrapoler sur quelques familles d'association. À partir du moment où votre enfant a un trouble neurodéveloppemental, il y a des choses qu'il ne pourra jamais faire comme un autre enfant. Donc moi, Mathilde, la garderie de l'école, par exemple, quand elle était petite, elle a été scolarisée un peu, c'était très compliqué. Un nouveau lieu, des nouvelles personnes. Donc la garderie, on a arrêté. La cantine scolaire, impossible. Centre aéré, on a essayé, on ne faisait qu'une heure par jour. Ça, c'est le cas de Mathilde. Donc, il y a des choses qui sont impossibles. Donc, on n'est plus du tout dans la trajectoire d'un enfant. Voilà, je me lève, je vais à l'école, je vais à la garderie, je vais à la cantine, je prends le bus, je rentre à la maison. Tout ce qui est activité sportive, culturelle, c'est la même chose. Dans un club, comportement complètement atypique par rapport à une consigne ou autre. Enfant qui papillonne, qui court partout alors que tout le monde... suit une consigne, c'est compliqué. Donc nos enfants sont en marge très rapidement aussi, si c'est pas à l'école, c'est dans tout ce qui est périscolaire, la vie extrascolaire. Les parents aussi, une fois qu'on a un diagnostic, c'est encore plus, pas difficile à assumer, mais disons que l'enfant peut être étiqueté, donc ça ferme encore plus de portes. Les problèmes aussi, on perd des amis, on perd... Il y a des choses qu'on ne fera plus jamais, hein, puisque... Nous sommes dans une autre dimension. En fait, la famille rentre dans une autre dimension. Et selon le degré de TSA, voilà. C'est pour ça que tout à l'heure, par rapport à la Covid, quand on a dit « bienvenue en autismie », ça peut être, pendant les confinements, ça reflète un peu ce qu'on peut vivre, nous, parents d'enfants avec TSA. Alors, j'ai vu une vidéo que vous avez partagée via votre page Facebook. Alors, c'était une interview de l'actrice Hélène de Fougerolles qui parlait de sa fille Shana, qui est autiste. Et j'ai trouvé ça bouleversant. Elle disait que plusieurs spécialistes lui ont dit que si sa fille était différente, c'est à cause d'elle. Est-ce que vous avez déjà entendu ça, vous aussi ? Oui. Alors, moi, c'est un peu particulier parce que j'ai adopté Mathilde. Donc, il n'y a déjà pas de transmission ou génétique ou... voilà. Par contre, le fait d'être... on va dire fusionnelle, mais je ne pense pas que ce soit non plus une fusion dramatique. Justement, Mathilde étant adoptée, il fallait bien créer un lien d'attachement. Hein. On partait de zéro à l'âge de 8 mois. D'autres familles ont souffert de ça, effectivement, surtout chez les plus grands ados ou jeunes adultes qu'on a à l'association. Les mamans ont entendu ça, effectivement. Mais madame, c'est de votre faute. Théoriquement, maintenant, ça devrait être terminé, puisque tout le monde... doit avoir compris, médecin, psychiatre, psychologue, que c'est un trouble, donc qu'on naît avec, qu'on grandit, qu'on meurt avec, et que donc ce n'est pas un problème éducatif ou un problème relation mère-enfant. Mais malheureusement, ça a du mal à passer, quoi. Oui, je comprends. Surtout qu'elle, elle disait, à la base, il voulait presque placer sa fille en hôpital psychiatrique. Alors, justement, le problème, c'est que entre maladie, psychiatrie, etc., là, maintenant, ça a été dit, aussi, surtout dans le plan autisme 2018-2022, que l'autisme n'est pas une maladie psychiatrique ou une maladie psychique. C'est bien un trouble. Donc c'est compliqué parce que justement la prise en charge de soins n'est pas évident, quoi. Alors quand je vous ai contacté pour faire cette émission, vous m'avez dit « Quelqu'un qui n'a pas de personne autiste dans son entourage ne peut pas savoir ce que c'est. » Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça ? Oui. Parce que vivre avec une personne autiste, bon, c'est 24 heures sur 24, surtout quand l'enfant ou le jeune adulte ou l'adulte est à la maison 24 heures sur 24. Et c'est vrai, tant qu'on n'est pas rentré dans une maison où vit une personne avec TSA, tant qu'on ne voit pas le quotidien, ne serait-ce qu'une heure, une heure et demie, deux heures, un repas à la maison, une soirée à la maison, c'est vraiment difficile de percevoir ce que peut être un TSA, quoi. Donc, dans l'association, nous avons des bénévoles. Et donc... un certain nombre de bénévoles passent en tout cas à la maison depuis 2018 pour Mathilde, et ils ont tous fait la réflexion, quoi. Et pourtant Mathilde ne fait pas de crise, Mathilde est très calme, très gentille, mais effectivement, si elle a décidé qu'il fallait qu'elle mange et qu'elle se précipite dans la cuisine, qu'elle ouvre le frigo, qu'elle ouvre 4 yaourts d'un seul coup, etc., on a beau être vigilant, rapide, voilà, c'est des comportements complètement atypiques. Et il faut le vivre, il faut être dans la maison pour comprendre ce que c'est, quoi. Et toutes les familles disent la même chose. Ce qui doit être difficile, c'est le regard des autres aussi. Ah oui. Mais bon, il y a un moment, il faut passer au-dessus, quoi, sinon on ne sort plus de chez nous. Et donc moi, j'emmène Mathilde, je repars souvent sur mon exemple, hein, parce que voilà, je ne vais pas citer d'autres noms de l'association. Mais on a des familles qui ne sortent plus ou pas. Et plus l'enfant grandit, moins il veut sortir, hein, aussi lui. Donc pour mon cas, j'essaye de rester dans une dynamique tournée vers l'extérieur avec Mathilde. Bon, déjà, je suis seule avec elle, donc si j'ai oublié le pain, il faut que je l'emmène avec moi. Hein. Donc elle a l'habitude depuis toute petite. Mais c'est vrai que le regard, si on va dans un parc, si on va quelque part, Mathilde maintenant va vers les autres, leur sourit, mais elle leur sourit, comme vous disiez tout à l'heure, comme un comportement de petit, quoi. Mm-hmm. Elle a des comportements corporels, effectivement, d'un enfant peut-être de 3-4 ans. Donc quand elle va vers les 12-13 ans, ceux qui ont son âge, ils la regardent bouche ouverte et ils ne savent pas quoi faire, quoi dire. Quoi. Donc c'est, le regard des autres peut être lourd et elle, si la communication en face ne s'engage pas, elle coupe la communication, elle se replie, elle se referme. Donc c'est vrai que c'est compliqué. Est-ce que vous pensez qu'une personne atteinte d'autisme, elle se sent différente ou elle ne se rend pas compte en fait ? C'est une excellente question. Alors moi je pense que, en fait Mathilde... Alors je suis désolée, je suis là pour l'association, mm-hmm. mais l'exemple le plus parlant pour moi par rapport à ce genre de questions, c'est Mathilde. Bien sûr. Mathilde, c'est ce que je vous disais, si elle va vers les autres, elle ne se sent pas différente. Mais quand en face, il n'y a pas le répondant qu'elle espère, là je pense qu'elle se pose des questions. Mais ce n'est pas pour ça qu'elle aura la solution, elle. Elle n'a pas la solution. Donc, est-ce qu'elle perçoit sa différence ? En tout cas, elle perçoit sa différence physique puisqu'elle est asiatique, hein. Si on croise quelqu'un d'asiatique, elle y va, elle est très... Elle y va encore plus, quoi, vers les autres. Mais cette différence, il faudrait poser la question au plus grand. C'est une question qu'on ne s'est jamais trop posée, tiens. Ça pourrait être un sujet de discussion dans un café-rencontre. Alors, je viens de me faire une petite réflexion. Je crois que je vous ai déjà vu au Cora avec votre fille. Oui. Elle avait acheté un ballon. Oui. Je crois. Et vous aviez, pas une piscine, mais c'était un bac. Vous achetiez un bac, je crois, en plus du ballon pour Mathilde, justement. C'est possible, oui. Donc Mathilde, les ballons à Cora, oui, c'est son truc. Mais pas qu'à Cora, dans toutes les enseignes de Mirmont. Les ballons, c'est vraiment un intérêt très restreint. Alors, puisque vous parlez de Cora, est-ce qu'on rebondit sur Cora ? Oui, justement, j'allais vous poser la question juste après, mais on peut en parler tout de suite, il n'y a pas de souci. Donc, Mathilde et ses amis, les premières familles qui nous ont rejoints en 2019 nous ont parlé de leurs problématiques dans les magasins, dans le sens on ne sort pas beaucoup, on ne peut pas aller faire les courses ensemble, notre enfant se jette par terre, fait des crises, le regard des autres devient difficile, on nous juge, on est mauvais parents, mauvais éducateurs avec notre enfant, etc. Et donc c'est rentré dans l'association et on s'est dit, est-ce qu'on ne pourrait pas faire quelque chose pour que ces familles-là puissent aller faire aussi leurs courses, que les enfants puissent aussi aller dans les grandes surfaces. Donc on a vu sur internet que Super U l'avait déjà fait dans un magasin en France et on a décidé de faire la même chose à Coire Mirmont. Donc on a contacté la direction, on a expliqué notre situation, on a été très bien reçus, très bien entendus, écoutés et on a fait le tour du magasin ensemble pour voir ce qui pourrait être gênant pour une personne avec TSA. Alors, on est parti de nos enfants, mais on s'est rendu compte que ça ne concernait pas que nos enfants, hein, les adultes TSA aussi, les TDAH, les personnes avec tout ce qui est trouble neurodéveloppemental, en fait. Et là, on a rencontré les équipes de Cora, les chefs de rayon. On leur a passé des films, des vidéos, on leur a expliqué ce que c'était que le TSA, les troubles sensoriels. Et franchement, tout le monde a été très humain. Et donc, on a décidé pour décembre 2019 de faire un temps aménagé pour que les familles de l'association et les autres, puisqu'on allait donner l'information, puissent venir faire au moins leurs courses de Noël dans une situation apaisée. Et ça a été un succès, franchement, c'était bien. Et donc, avec Cora, on a décidé de poursuivre l'action à partir de janvier 2020 sur un créneau le mercredi après-midi. Bon, pas de peau, après il y a eu la Covid et toutes les perturbations, et on a repris avec eux septembre l'année dernière, je crois. Et là, on a décidé d'ouvrir deux créneaux, le mercredi en début d'après-midi et le dimanche matin. Entre-temps, il y a eu une proposition de loi qui allait dans ce sens pour toutes les grandes surfaces, quelle que soit la grande surface, au-delà d'une surface, je ne sais plus le nombre de mètres carrés, pour que toutes les personnes avec troubles partout en France puissent avoir cet aménagement. Donc on a été un peu les précurseurs dans les Vosges et on a fait ça donc avec l'ancienne Cora et maintenant l'expérience devient référente pour les Cora de France. Je trouve ça bien que ça ait été mis en place parce que moi ça m'arrange parce qu'avec mon épilepsie photosensible, les lumières me fatiguent et du coup c'est super d'avoir mis ça en place. Alors c'est parti de l'autisme, mais voilà, ça concerne d'autres handicaps. Les problèmes d'audition, malentendant, il n'y a plus de musique, les télés sont coupées, il n'y a plus de grésillement, il y a juste les frigos qui continuent à faire du bruit, mais là, il n'y a pas de solution. Mais tout est atténué d'un point de vue lumière, d'un point de vue sonorité, donc c'est effectivement... Merci de votre retour. Alors, il y a le centre aquatique de Remiremont aussi qui propose lui aussi des choses pour l'inclusion pour tous. Qu'est-ce que c'est ? Alors là, c'est vraiment pour tous les handicaps. En fait, nous, famille TSA, lorsqu'on allait à la piscine avec nos enfants, dans le vestiaire, c'est pas 5 minutes, ça peut être 20 minutes dans le vestiaire au déshabillage. Voilà. On peut arriver au bassin et notre enfant fait une crise, ne veut pas aller dans l'eau, c'est trop froid ou c'est trop chaud, il y a trop de mouvements, etc. Donc, les parents ressortent. Et au vestiaire, c'est pas 5 minutes, c'est de nouveau 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes. Ce qui fait que quelquefois, en une heure, l'enfant n'a même pas mis les pieds dans l'eau, les parents sont épuisés, ont vécu le regard des autres, la crise de leur enfant, ont dépensé des sous et finalement, retour à la case départ maison. Alors, en tout cas, on a trouvé la solution financière, entre guillemets. Mm-hmm. On a contacté la mairie de Remiremont, on a échangé avec monsieur le maire à l'époque et le responsable des associations. Et puis, on a proposé qu'au moins l'accompagnant de la personne avec handicap ne paye pas son entrée. Alors justement, c'est quoi un accompagnant ? Alors un accompagnant, là, pour la piscine... Les enfants ou adultes peuvent être porteurs d'une carte CMI, carte mobilité inclusion. Et si sur cette carte, c'est marqué besoin d'accompagnement, parce que certaines personnes ont besoin d'être accompagnées partout, tout le temps. C'est souvent le cas voilà, à partir d'un degré sévère à profond, bien sûr. Et donc, les personnes titulaires de cette carte, l'accompagnant, celui qui va être là que pour le bien-être, l'accompagnement de la personne, ne paye plus son entrée au centre aquatique. C'est la seule piscine des Vosges qui fait ça. Je pense que ce serait bien... Alors, n'importe quel handicap, c'est pour ça que là, on est vraiment... Ce n'est pas que TSA. Toute personne qui a la carte CMI avec besoin d'accompagnement, quel que soit le handicap, peut rentrer à la piscine. Parce que c'est important quand même, parce que je rebondis sur autre chose. Mm-hmm. Quand une personne avec TSA disparaît, hein, il y a des fugues, des fuites, etc. Faut savoir quand même que... Dans certains cas, la personne est retrouvée décédée parce que non autonome, etc., est souvent décédée par noyade. Donc nous, on met un point d'honneur aussi sur le savoir nager dans le sens survie. Au niveau de la sauce, voilà. Ça, on ne le dit pas trop, mais moi, Mathilde, elle sait nager, flotter, sortir de l'eau depuis l'âge de 3 ans. Parce que moi, j'ai mis un point d'honneur. Elle ne peut pas crier, appeler au secours, etc. Elle est attirée par l'eau. Donc là, par rapport à tout ce qui est eau, elle est autonome. C'est un peu triste, hein, mais c'est comme ça. Alors nous allons faire deux pauses musicales avant de parler d'un événement qui se déroulera le 15 octobre. On se retrouvera juste après sur Radio Gémozo. Si je pouvais, je mettrais mes souliers, ceux qui vont très bien quand je fais de la marche à pied. Je sauterais par-dessus la clôture, à moi la grande aventure. Je monterai là-haut sur la montagne, je traverserai les plus belles campagnes, et j'arriverai jusqu'à la mer en descendant la rivière. Mais, papa veut pas, maman veut pas, tout le monde veut pas, même mon chien trouve que c'est quand même un peu loin. Mais, papa veut pas, maman veut pas, tout le monde veut pas. Même mon chat me dit qu'il aime mieux rester là. Si je pouvais, je serais capitaine, j'aurais un bateau, je verrais les baleines. Je naviguerais sur toutes les mers, ferais le tour de la terre. Et je partirais jusque là-bas, là où tous les gens marchent la tête en bas. Et je partirai jusque là-haut dire bonjour aux Esquimaux. Mais, papa veut pas, maman veut pas, tout le monde veut pas. Mais, mon chien trouve que c'est quand même un peu loin. Mais, papa veut pas, maman veut pas, tout le monde veut pas. Mais, mon chat me dit qu'il aime mieux rester là. Si je pouvais, j'irais dans le désert, j'aurais un chameau ou bien un dromadaire, et aussi plein de noix de coco au fond de mon sac à dos. Je croiserais toutes sortes de gens qui sont différents et qui parlent autrement. Je croiserais de drôles d'animaux qu'on ne voit que dans les zoos. Mais, papa veut pas, maman veut pas, tout le monde veut pas. Mais, mon chien trouve que c'est quand même un peu loin. Mais, papa veut pas, maman veut pas, tout le monde veut pas. Mais, mon chat me dit qu'il aime mieux rester là. Si je pouvais, je mettrais mes souliers, ceux qui vont très bien quand je fais de la marche à pied. Je sauterai par-dessus la clôture, à moi la grande aventure. Nous voici de retour avec Corinne pour parler d'un événement spécial organisé par l'association Mathilde et ses amis Autisme et Compagnie. Merci aux auditeurs qui sont avec nous depuis midi et merci à celles et ceux qui viennent de nous rejoindre via leur transistor ou leur autoradio sur le 107FM ou via les applications mobiles Orange Radio et Radio Line. Et surtout, n'oubliez pas que vous pouvez également être avec nous H24 via la plateforme Deezer. Alors Corinne, est-ce que vous pouvez nous expliquer vos choix musicaux ? Oui, donc j'ai envoyé un mail aux adhérents de l'association, aux familles concernées, et j'ai eu 3 réponses donc, par rapport aux chansons préférées de 3 enfants. Voilà. Donc Henriès, La Grande Aventure, l'Aquarium de Saint-Saëns dans le Carnaval des Animaux, et la première, La Baleine qui tourne, qui vire, qui tourne. Donc ce sont des chansons, des musiques que les parents ont pu entendre ou entendent encore en boucle à la maison. Ça fait partie des intérêts restreints et des plaisirs de leurs enfants. Alors on parlait hors antenne des triades autistiques, c'est quoi ? Alors la triade autistique, c'est en fait une personne avec TSA peut avoir une altération des qualitatives des interactions sociales. Donc ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, peu de regard, pas de réelle communication. La personne avec TSA peut avoir des intérêts restreints, répétitifs, stéréotypés, et aussi peu d'intérêt pour certaines activités. Donc ça, c'est le deuxième point de la triade autistique. C'est les trois éléments qui permettent de poser un prédiagnostic. Et il y a bien sûr les altérations qualitatives de la communication. Et c'est là qu'on revenait à tout à l'heure, verbal, non-verbal. Donc une personne qui aurait cette triade-là, ces trois pôles, a une forte suspicion de TSA. Et donc une recherche en diagnostic serait intéressante. Et vous me parlez aussi des problèmes sensoriels. Alors c'est quoi ? Oui, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, les hyper, les hypos. C'est des difficultés en fait à recevoir, à filtrer, à traiter ou à interpréter les informations sensorielles. Le cerveau, lui, ne traite pas les informations que le corps ou les sept sens reçoivent. Les sept sens ou deux sens ou trois sens peuvent être touchés par ce trouble. Et donc, le décodage de l'environnement est très compliqué pour la personne. Et puis, les troubles varient aussi selon la journée, les moments de la journée, l'état de fatigue. Voilà, une journée d'école, le soir, quand l'enfant rentre à la maison, les parents ne peuvent pas demander grand-chose à l'enfant. L'enfant peut partir très vite en crise, en effondrement autistique, parce qu'il a su s'adapter à peu près toute la journée et il lâche le soir. Donc, ça, voilà, il peut y avoir des crises de réactions émotionnelles excessives. C'est ce qui arrivait dans les magasins, par exemple, avec les familles qui ne pouvaient pas aller faire leurs courses. Donc, c'est là quand même que c'est important d'avoir des professionnels autour de soi, hein, bien sûr, pour accompagner au mieux toutes ces particularités sensorielles. Et puis, dans l'idéal, il faudrait aménager aussi, à l'école par exemple, un espace, à la maison une salle de jeu, adapter l'environnement avec certains outils pour pallier à l'arrivée des crises. Alors, vous organisez un événement, qu'est-ce qui va se passer le 15 octobre ? Alors, le 15 octobre, on a proposé, invité Laurent Savard, qui est un père autiste. Il a un grand-fils maintenant de 20 ans, qui est autiste sévère atypique. Et je l'avais contacté l'année dernière parce qu'on fait aussi au niveau de l'association tous les deux ans le défi kilométrique. On collecte des kilomètres pour parler de l'autisme au moment de la journée de sensibilisation. Et donc je l'avais contacté, ce comédien, pour lui demander si Gabin pouvait être le parrain de notre défi kilométrique. Donc j'avais déjà vu Laurent Savard en spectacle, moi, il y a 4 ans. Et je lui avais dit, écoute, j'aimerais bien me faire venir à Armiremont. Donc on a décidé ça en décembre, on a signé un devis, on a arrêté une date et on est parti sur cette idée. Donc c'est un père artiste qui a un fils autiste et qui présente un one-man show sur son histoire, l'histoire de son fils, mais de façon, on va dire, dramatico-humoristique. Mm-hmm. On peut avoir les larmes aux yeux par moments, on peut rire aux éclats à d'autres moments et il parle de... Il vit l'histoire de son fils, pas au jour le jour, mais année après année, avec toutes les difficultés qu'il a pu rencontrer, justement, le regard, l'école, la prise en charge. Enfin, il fait un peu le tour de la question. Et toute personne concernée par le handicap peut s'y retrouver à un moment donné, parce qu'il parle aussi certainement, je ne me rappelle plus trop, mais des démarches administratives qui sont énergivores pour les parents, etc. Je pense qu'il en parle aussi. Et on peut se retrouver dans son spectacle, quel que soit le handicap, ou si on connaît une personne avec un handicap, quelque part, on se retrouve dans son spectacle. Donc c'est ouvert à tous, tout public. C'est à 20h30 au Centre culturel Gilbert Zog. Le spectacle sera traduit en langue des signes française. Nous avons décidé de rajouter cette option-là puisque Mathilde est sourde profonde au départ et que nous, au niveau de l'équipe autour de Mathilde, on se lance dans la langue des signes et on est soutenu par l'Institut des sourds de la Malgrange. Donc on s'est dit, pourquoi ne pas faire signer le spectacle ? Donc ça a un surcoût aussi. On a essayé de trouver des financements. On se débrouille un peu par nous-mêmes. Mais voilà, le spectacle risque d'être très sympa. Donc ouvert à tous, entrée libre. On ne voulait pas qu'un prix d'entrée soit discriminant par les temps qui courent. Par contre, on mettra un chapeau, parce que c'est l'association qui finance l'ensemble et il y a un bon coup. Et puis l'après-midi, on va mettre au rez-de-chaussée du centre culturel en place des ateliers de 15h à 18h, des stands, une buvette aussi, pour essayer de présenter, parler du handicap invisible. Donc il y aura un stand Mathilde et ses amis, TSA, TDAH. On fait venir les Bouchons 88, parce que c'est une association amie, avec qui on a de beaux échanges. On fait venir aussi l'association Handi Chiens. Et donc, il y aura des chiens d'accompagnement pour le handicap. Ce n'est pas les chiens guides d'aveugles, mais voilà, c'est des chiens qui peuvent avoir 5 fonctions, 5 types de chiens. Peut-être que nous aurons aussi le chien de l'IME de Saint-Amé. Ils ont 2 chiens à Saint-Amé, je crois. Donc, il y en a un qui viendrait nous rendre visite pour parler de l'accompagnement d'un chien, Handi Chien, dans une structure. Et puis, normalement, nous aurons 1 ou 2 associations autour de la surdité ou de la déficience auditive. Peut-être la ligue d'enseignement par rapport à du matériel spécifique pour le handicap invisible. Voilà. Donc là, on est encore, il reste 15 jours pour affiner les projets de l'après-midi. Mais le soir, c'est bouclé. Il y a de la place, mais réservée. Et comment est-ce qu'on peut réserver, justement ? Donc, il y a des affiches qui circulent en ville, sur Internet, sur la page Mathilde et ses amis autisme et compagnie. Une page où on parle de plein de choses. Vous pouvez passer, faire un petit tour. Et puis, donc vous pouvez partager à partir de la page de Mathilde et ses amis. Et on a aussi donc une adresse de réservation. Donc, réservation par boîte mail à mathamis.reservation.orange.fr. Donc, j'ai mis une majuscule à mat, une majuscule à ami, une majuscule à réservation. Donc, c'est une association de parents qui invite un parent à présenter son spectacle. Et Laurent Savard a écrit un livre aussi, Gamin sans limite. Et donc, le livre sera à disposition en vente avant ou après le spectacle avec dédicace. Alors, vous parliez d'animation et de stand. Est-ce qu'il y aura un horaire précis pour y 15h à 18h. D'accord. Et le spectacle, c'est 20h30, 20h30, c'est ça? 20h30, oui. Alors, est-ce que vous avez des partenaires pour cet événement ? Alors, nous avons la ville de Remiremont qui nous prête gracieusement le centre culturel. Un grand merci. Et puis, nous avons le GEM Autisme Vosges, donc groupe d'entraide mutuelle Autisme Vosges. C'est une association, loi 1901 aussi, et donc qui est un lieu de rencontre, d'échange d'adultes autistes en autonomie ou semi-autonomie. Et ils organisent des activités, des sorties, des activités. Et il y a 2 animateurs. Alors, ce n'est ni un hôpital de jour, ni un IME, ni rien. C'est un lieu de rencontre, d'échange entre adultes avec TSA. On peut y aller, même si on n'est pas diagnostiqué. Si on a une suspicion, on peut passer voir ce que c'est, participer à des activités. Et nous faisons, Mathilde et ses amis, nous sommes l'association marraine du GEM Autisme Vosges. Ça veut dire que nous participons aux décisions, aux organisations au niveau du GEM. Ça fonctionne très très bien. Là, il y a eu un changement d'animateur. Donc les animateurs précédents, ceux-ci, ils proposent à chaque fois beaucoup d'activités, des sorties, etc. Et là, ils sont dans la paire aidance. Ça veut dire que c'est les personnes entre elles, TSA, qui partagent leurs expériences et qui se soutiennent et qui proposent des projets, etc. Alors, combien de temps il faut pour mettre un tel événement en place pour le spectacle, par exemple, et les animations du 15 octobre ? Voilà. Disons, au moment du défi en avril, hop, j'en ai parlé à Laurent Savard. Je lui ai dit, écoute, venir à Remiremont, oui. Il me dit oui. Bon, alors on a laissé tomber un peu, on a laissé passer le temps. En décembre, j'ai recontacté. Et alors, l'événement, quand est-ce qu'on peut faire ça ? Bon, il y avait la problématique Covid aussi, on attendait un peu. Donc là, j'espère que ça va aller. Et puis, on a concrétisé avec le CA, on a échangé, on a discuté. OK, on se lance, on y va. Budgétairement, comment on fait ? Donc, on a monté notre budget interne. Parce qu'il y a plusieurs associations locales ou une association autisme sur Épinal qui ont arrêté leurs activités et qui nous ont reversé aussi leur excédent financier. Donc, on n'avait pas de problème particulier de trésorerie, quoi. Mais c'est l'association là qui porte tout. Et... On a fait des dossiers à la MGEN, à la MAIF et auprès d'associations de personnes déficientes auditives pour éventuellement une aide participative sur la facture, le devis de la traduction du spectacle en ALSF qui est un surcoût qu'on a décidé d'ajouter par rapport à notre budget initial. Donc la MGEN nous a déjà répondu et nous fait un versement, participe au financement MGEN Épinal. Où en sont les préparatifs ? Disons que pour le spectacle... Tout est prêt. On attend l'artiste, le pianiste, l'interprète, la régisseuse qui viennent de Paris, de Bretagne et de je ne sais plus où. Et puis pour les stands de l'après-midi, là on continue à affiner qui peut venir animer un stand. Et puis on va peut-être faire vite fait une affiche sur les réseaux pour détailler un peu l'après-midi, quoi. Mais nous, on fonctionne beaucoup bouche à oreille, réseaux sociaux. Voilà. Est-ce que vous auriez quelque chose à dire aux auditeurs pour qu'ils viennent vous voir le 15 octobre ? Venez. Alors, c'est un spectacle qui va parler d'autisme, mais pas que. Mm-hmm. C'est un spectacle avec beaucoup d'humour. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est un one-man show. C'est quelqu'un qui vient de Paris. Et pour connaître un peu plus justement ce qu'on disait tout à l'heure, hein, si on ne vit pas dans une famille, on ne se rend pas compte de ce que c'est au quotidien, si on ne vit pas avec la personne TSA. Là, venez, il dresse un joli portrait des difficultés d'un père et d'une mère, mais avec beaucoup d'amour pour leur enfant. Hein. Donc venez. C'est une façon de nous soutenir aussi et de se dire, eh ben oui, toutes les familles n'ont pas la même façon de vivre. Mmh. Alors, est-ce qu'on peut vous retrouver sur Internet et les réseaux sociaux, Corinne ? Sur Facebook, pour l'instant. Donc là, on n'a qu'une page, Mathilde et ses amis, Autisme et compagnie. On a aussi un mail. On a des projets d'avenir un petit peu aussi. Justement, c'est quoi vos futurs projets avec l'association ? Alors, ça fait 2-3 ans quand même, au moins 2 ans, qu'on se pose la question à plusieurs familles de l'avenir de nos enfants. Donc, et du répit pour les familles aussi. Donc, il y a des propositions, en tout cas dans le plan autisme, qui vont dans ce sens, le répit pour les familles, la formation pour les familles. Mais on se rend compte, nous, qu'on est dedans et on se rend compte que ben, c'est pas évident de trouver du répit, même de trouver des formations. Et puis, nous commençons à vieillir, nos enfants grandissent et se pose la problématique après, en tout cas pour ceux qui sont déjà à la maison, qui sont déjà sortis du système, comment les remettre dedans pour qu'ils soient pris en charge un jour. Donc c'est un peu notre grosse problématique pour 4 ou 5 familles. Franchement, on s'interroge. Donc on avait envisagé à un moment donné de créer nous-mêmes quelque chose. On parle beaucoup aussi d'habitat inclusif. On s'est dit à 2-3 moments, est-ce qu'on ne va pas finir par vivre ensemble avec nos enfants pour faire un habitat partagé, inclusif ? Alors ça, c'est vraiment dans du lointain, mais ça fait 2-3 ans qu'on se pose la question et on ne sait pas du tout comment tendre vers ça. Et puis, on voudrait aussi organiser une table ronde au mois d'avril pour tout ce qui est difficultés, droits des enfants par rapport à l'inclusion, à l'accès. Je sais que les Francas 54 le font sur Nancy. On voudrait le faire avec les Francas. J'ai envoyé un message, j'ai pas eu de réponse. Sur tout ce qui est périscolaire, qui peut accompagner ces enfants qui peuvent aller à l'école, mais qui ne peuvent pas aller à la cantine, au centre aéré, à la garderie. Dans certains cas, dans la SOS, c'est dramatique. À 4 ans déjà, quand tout se ferme, c'est compliqué. Donc on voudrait organiser des échanges, débats pour trouver des solutions, quoi. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite, à vous et à l'association ? De continuer. Et puis, nos vies sont compliquées, mais elles ne sont pas forcément dramatiques. Voilà. Et on rit aussi beaucoup. Hein, on ne fait pas que pleurer, on ne fait pas que se lamenter sur notre sort. Bien que beaucoup de mamans, ça, on n'en a pas parlé du tout, ont été obligées d'arrêter de travailler. Hein, mais c'est d'autres problématiques, c'est tellement vaste comme. C'est très compliqué. Mais voilà. Qu'on sorte un peu de notre isolement. Donc, c'était aussi le but de l'association, hein, sortir de l'isolement et. Que nos enfants soient le plus heureux possible, en fait. Moi, pour ma fille, c'est mon seul objectif principal, qu'au moins elle soit heureuse. Bah vous aussi, ça compte aussi. Oui, je n'ai pas l'air malheureuse. Si. Bah, ça va ensemble, en fait. Ouais. Oui, ça va ensemble. Bon, il peut y avoir des coups de mou, hein, ça je ne vous le cache pas, mais en fait, globalement, les parents ont rebondi, quoi. On ne se laisse pas tirer vers le bas. En fait, si je comprends bien, c'est si vous ne restez pas la tête haute, tout s'écroule et l'enfant avec, finalement. Oui, on nous dit, alors beaucoup de gens nous disent, à nous les mamans, bon il y a les papas aussi, hein, y a des papas qui s'investissent au même titre que la maman, mais c'est quand même globalement la maman qui porte un peu l'ensemble, et on n'arrête pas de nous dire, pense à toi, prends du temps pour toi, protège-toi, si tu tombes malade, qu'est-ce que va devenir ton enfant ? Ça c'est des phrases, nous mamans, on les entend, mais très régulièrement quoi. Et ces phrases-là ne font que rajouter, je voudrais bien me reposer, je voudrais bien prendre du répit, je voudrais bien partir en vacances un week-end, mais... Là, c'est pas possible. Donc voilà, peut-être un peu de répit, mais moi, je suis pas prête non plus à partir en week-end toute seule en laissant ma fille. Alors, cette émission est maintenant terminée. Corinne, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Alors, j'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie et que de nombreuses personnes viendront vous voir le samedi 15 octobre au centre Gilbert Zog. À Remiremont. Voilà, à Remiremont. Non, parce que je dis ça parce qu'à un coup, ma directrice d'antenne s'est moquée de moi parce que j'ai dit Gilbert Zog. Alors, quant à nous, auditeurs et auditrices de RGM, on se retrouvera très prochainement pour une nouvelle d'Autour de vous. En attendant, portez-vous bien. C'était Laura. Bye tout le monde!